entendu dire que j'étais cool car elle m'aurait vu sourire. Reste ici et rectifions le tir. J'étais de ces jeunes qui à 5 piges couraient la mort au nez. Tellement de bruit que les voisins préféraient le Novotel. 8 piges, nous héros à la télé, ok, mais les grands la testent d'abord car c'est eux qui avaient le monopole. En go, en go va, jamais dans le chrome à taguer dans le wagon, mais à compter le magot. Donc c'était les modèles, papa, parce que trop de taf passe et la maman lassée. 12 ans, l'âge des premiers vols, 16, l'âge du premier shit. Le pelage coûte cher, nos chaînes coûtaient souvent le smic. J'ai fait du cash avant de rapper, et j'aurais jamais su avant que j'aurais gagné ma vie, honnêtement. Parce que tu vois, quand t'es dans la cité et tout, tu traînes dans le hall, les gens ils te voient avec les sables, puis ils se disent, ah ça marche bien pour lui, hein. Ça marche bien peinard, hein. Les jeunes ils ont une voiture et tout. Ils savent pas que c'est tout ce qu'on a pour nous représenter. Ça ils le savent pas ça. Ils croient que c'est peinard et tout. Parce qu'ils viennent même pas chez nous, hein. Ils savent pas qu'on est plein entassés dans les chambres et tout. Et peu de gens savent ça, hein. Et même si on est 15 000 dans le haut là, à fumer et boire et pour oublier notre galère, on est 15 000, mais en fait on est tout seul, mec. Et ça, peu de gens savent parce que on garde pour soi. Alors moi je peux te dire, moi, je sais de quoi je te parle, enfoiré, hein. Et puis à l'école, hein, à l'école, je demande à chaque mec des cités, t'as quoi comme diplôme, enfin, comme brevet, oui. Il va sortir, j'ai un BEP, moi, un BEP. Et tu crois que tu vas faire quoi avec un BEP, hein? Et combien de millionnaires en BEP, hein? Moi, aujourd'hui, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais. Moi, j'ai un bon plan pour vous. Faites un BEP chaussure. Je lui fais, moi, les gens, ils m'ont attendu pour marcher, moi, hein? BEP chaussure. Elle va me faire, ben alors, un BEP chaudronnerie, monsieur. Chaudronnerie, enfoiré. Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudronnerie, moi? Chaudronnier, hein? Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudron? Genre, t'imagines les cités, c'est un mec hein, avec des casquettes sur la tête, des baskets, et il rappe toute la journée, hein? Moi, je viens de Paris, hein? Je viens de Paris, je suis arrivé dans 19, à ma thèse, j'avais 5 piges, et j'en ai 23, mec, tu vois? Et je peux te dire que ce que tu vis, c'est beaucoup, hein? Parce que des gens qui ont été tués, des gens qui tombent dans la drogue, des gens avec qui t'es grandi, des amis qui deviennent fous, ça fait beaucoup quand même. Et ça, peu de gens le savent. Hein. Ils parlent de violence et tout, quand il y a un mec qui se fait planter et tout. La violence revient et tout. Comme elle, si elle était partie, mais elle est partie où la violence, hein? Tu sais que 2 jeunes sur 3 ont un gun dans les cités. Et 1 sur 10, alors je dirais 1 sur 6 a un fusil à pompe. Et ça, peu de gens savent. Parce que les journaux, ils s'en gardent bien de dire parce que ça fout à la panique. Hein? Moi, je peux le dire, je sais de quoi je te parle. Hein? Les gens qui sont fait braquer et tout. Tu crois que j'ai appris ça, tout ça comment, moi? Hein? T'arrives et tout. Moi, je peux te dire, hein, t'arrives avec ta chatte et tout, ouais. Ils ont la vie facile. La vie dans les banlieues, c'est pas si dur et tout. Hein? Moi, je te dis, viens voir comment ça se passe avant de parler. Viens voir, quand tu sais qu'à 18 piges, il y a au moins tous les jeunes, ils ont vécu une fusillade. Alors je t'en parle pas de plusieurs fusillades, hein. Et puis quand t'as une embrouille, moi je peux te dire que c'est pas les keufs qu'on va chercher, nous. On s'embrouille entre nous, mais c'est pas les keufs qu'on va chercher. On va chercher les potes à côté et on se tire les uns sur les autres. Et c'est comme ça qu'on sneak. Et ça, peu de gens le savent, mec. Peu de gens le savent.